Salut, salut, salut! Comme tous les dimanches soir, 21h, sur les ondes du 100 FM, qu'il y ait la finale de la Coupe du Monde, qu'il y ait du monde dans les rues, qu'il y ait des klaxons ou quoi que ce soit, on est fidèle au poste. La semaine dernière, c'était bruyant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter l'émission, mais c'est pas grave, vous pourrez vous rattraper cette semaine. Avec un nouvel épisode qui attaque immédiatement, et peut-être pour rappeler, il y a quelques jours, nous avions fait un jeu concours sur la page Facebook de l'émission Lost in Space. Et ceux qui reconnaissaient la photo de Metal Urbain, le premier plus exactement reconnaître la photo de Metal Urbain, avaient le droit de passer ces morceaux en première partie de l'émission. Et l'heureux vainqueur est Nico qui va donc commencer le show avec Pavement, les Pixies, Dinosaur Junior, Gang of Four et Public Image Limited. Pour être franc, c'est une programmation de folie. On n'aurait guère pu faire mieux. Allez, c'est parti. Et encore bravo. Et merci, Nico. Hold on tight. Hey, so they're not making you work in the meat department, right? No. Okay. Hey, come here, give me a kiss. Okay, I'm gonna give me a kiss. Okay. All right, I'm proud of you. Okay, bye. Be good. Thank you. Je rêvais que Madame de Guermantes m'y faisait venir. Thank you. done, sirs, I've got no rule. Now I'm fighting in the dark against a rat in sheep's clothing. Sleeping sickness, asleep while I'm awake, tied to the plagues, burning slip. I can't keep these things inside, but there's no key to let them out. The cold hands against my spine, there's a cold hand ripping my spine. Icy fingers are touching your shrine, but now to say no to the biggest lie. Sleeping sickness, asleep while I'm awake, tied to the plagues, burning. I can't keep these things inside, but there's no key to let them out. I can't stand the smell of fudge and decay. If you got nothing to say, get out of my way. I'm not talking about someone else's generation, I'm talking about you. But he couldn't stop her. There's only one sin that she saw. But now they're setting traps for me, because I am the shame of the nation. Sleeping sickness, asleep when I wake, tied to the plagues, burning stake. I can't keep these things inside, but there's no key to let them out. Sleeping sickness, asleep when I wake, tied to the plagues, burning stake. I'm spread electric bars spread between my eyes. I'm just no more sleep, no more life. Tu y crois si bien à ces idées-là, mon cher, que tu as abandonné l'adultère. L'amour, l'ambition, tous les sujets apprivoisés du roman moderne pour écrire l'histoire de Gilles de Rais. Et après un silence, il ajouta « Je ne reproche au naturalisme ni ses termes de ponton, ni son vocabulaire de latrine et d'hospice, car ce serait injuste et ce serait absurde. D'abord, certains sujets, les ailes, puis avec des gravats d'expression et du bray de mots, l'on peut exaucer d'énormes et de puissantes œuvres. L'Assommoir de Zola le prouve. Non, la question est autre. Ce que je reproche au naturalisme, ce n'est pas le lourd badigeon de son gros style, c'est l'immondice de ses idées. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir incarné le matérialisme dans la littérature, d'avoir glorifié la démocratie de l'art. You by my side, but then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong and I learned how to get along, and now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd known for just one second you'd be back to bother me, go on now, go walk out the door, just turn around. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbyes? Did they got crumbled? Did they got laid down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. So you felt like dropping by and just expect me to be free. But I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd break down and die? Oui, tu diras ce que tu voudras, mon bon. Mais tout de même, quelle théorie de cerveau malfamé. Quel miteux et étroit système. Vouloir se confiner dans les buanderies de la chair, rejeter le suprasensible, dénier le rêve, ne pas même comprendre que la curiosité de l'art commence là où les sens cessent de servir. What a beautiful baby as he turned back the sheet just to see her. Oh, Rudy, just to see you. To the children you grew up with, you're a diamond in the day. To the bistros of Paris, you kiss and run away. Does it scare you? Oh, Rudy, does it scare you? He's so pretty, they say, you should have been a girl. His face is like an angel, protected from the world. Valentino, Valentino. Oh, you wanted love so badly, but you're mixed up. Valentino, Valentino. The woman wants to love you, but you're mixed up. Valentino, oh, oh. With all the woman in the world falling at your feet, do you ever wish maybe that you had stayed asleep in the garden? Oh, Rudy in the garden. Dance at Maxim Ginesca for the day. To the back lot of Hollywood, they see you on the way. Does it please ya? Oh, Rudy, does it please ya? He's a chic, they say, but he couldn't stay. Wrestle on the silver screen, they take a love away. Valentino, Valentino, oh. We look to you for love, but you're mixed up. Valentino, Valentino. But that's one thing he couldn't do, you're mixed up. Valentino, oh. While all the woman of the city queue and through the night. Some went into morning, some turn up at night just to be with you. Oh, Rudy, just to be with you. To the people you grew up with, you had nothing else to say. To the people that watched you, that hoped they'd show the way, just to be with you. Oh, Rudy, just to be with you. Oh, Rudy, just to be with you. Oh, Rudy, just to be with you. Oh, Rudy, just to be with you. Nine, nine, nine, subscribe. tu lèves les épaules, mais voyons, qu'a-t-il donc vu ton naturalisme dans tous ces décourageants mystères qui nous entourent ? Rien. Quand il s'est agi d'expliquer une passion quelconque, quand il a fallu sonder une plaie, déterger même le plus bénin des bobos de l'âme, il a tout mis sur le compte des appétits et des instincts. Rute et coup de folie, ce sont là ses seules diathèses. En somme, il n'a fouillé que des dessous de nombril et banalement divagué dès qu'il s'approchait des aines. C'est un hernière de sentiments, un bandagiste d'âme, et voilà tout. We'll be right back. puis vois-tu Durtal, il n'est pas qu'inexpert et obtus, il est fétide. Car il a prôné cette vie moderne atroce, vanté l'américanisme nouveau des mœurs, abouti à l'éloge de la force brutale, à l'apothéose du coffre-fort. Par un prodige d'humilité, il a révéré le goût nauséeux des foules, et par cela même, il a répudié le style, rejeté toute pensée altière, tout élan vers le surnaturel et l'au-delà. Il a si bien représenté les idées bourgeoises qu'il semble, ma parole, issu de l'accouplement de Lisa, la charcutière du ventre de Paris, et de Homais. My last born of God. C'est le 15 juin 1767 que, comme l'averse du rondeau, mon frère, s'assit au milieu de nous pour la dernière fois. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions dans la salle à manger de notre villa d'Ombreuse. Les fenêtres encadraient les branches touffues de la grande nueuse du parc. Il était midi, c'est à cette heure-là que notre famille, obéissant à une vieille tradition, se mettait à table. Le déjeuner au milieu de l'après-midi, mode venue de la nonchalante cour de France et adoptée par toute la noblesse, n'était pas en usage chez nous. Je me rappelle que le vent soufflait, qu'il venait de la mer et que les feuilles bougeaient. Can he play guitar? Yeah, yeah, yeah. Come Jesus, can he play guitar? J'ai déjà dit que je n'en voulais pas et je répète que je n'en veux pas, fit Côme en écartant le plat d'escargot. On n'avait jamais vu désobéissance plus grave. Just hold me. Le baron Arminius Laverse du Rondeau, notre père, coiffé d'une perruque Louis XIV descendant jusqu'aux oreilles et démodé comme tout ce qui lui appartenait, siégeait à la place d'honneur. Entre mon frère et moi était assis l'abbé Fauche-Lafleur, chapelain de notre famille, notre précepteur. En face de nous, la générale Conradine du Rondeau, notre mère, et notre sœur Baptiste, la nonne de la maison. Au bas de la table, en costume turc, l'avocat Enas Silvius Carrega, hydraulicien, régisseur de notre propriété et notre oncle naturel. I remember some stains on the wall. Wind was blowing in the streets. Malcolm était âgé de 12 ans et moi de 8. Depuis quelques mois seulement, nous avions été admis à la table de nos parents. J'avais bénéficié avant l'âge de la promotion de mon frère. On n'avait pas voulu me laisser manger tout seul. Bénéficier, c'est une façon de parler. Pour Com et pour moi, c'en était fini du bon temps et nous regrettions nos petits repas dans un réduit en compagnie du seul Fauche-Lafleur. L'abbé était un petit vieillard sec et ridé. On le disait janséniste. De fait, il avait fui le Dauphiné, sa province natale, pour éviter un procès de l'Inquisition. Mais ce caractère rigoureux qu'on louait généralement chez lui, cette sévérité intérieure qu'il s'imposait et imposait aux autres, mollissait à chaque instant. L'abbé avait une vocation foncière pour l'indifférence et le laisser-aller. Selon toute apparence, ses longues méditations, les yeux dans le vide, n'avaient abouti qu'à une grande aboulie et à un peu d'ennui. Il agissait comme s'il voyait dans la plus légère difficulté le signe d'une fatalité à laquelle il serait inutile de s'opposer. Nos repas en compagnie de l'abbé ne commençaient qu'après de longues oraisons, et les évolutions de nos cuillères se devaient d'être dignes, rituelles, silencieuses. Malheur à celui qui levait les yeux de son assiette ou faisait entendre, en absorbant son bouillon, la plus faible aspiration. Mais le potage fini, l'abbé commençait à se sentir là, contrarié. Il regardait dans le vide et faisait claquer sa langue à chaque gorgée de vin. Seules les sensations les plus éphémères semblaient encore le toucher. Au plat de résistance, nous pouvions manger avec les mains, et à la fin du repas, nous nous lancions des trognons de poire, tandis que l'abbé laissait choir de temps à autre un de ses nonchalants. Eh bien, alors... Yeah. Maintenant que nous avions pris place à la table commune, nous sentions s'accumuler en nous les griefs familiaux, tristes chapitres de l'enfance. Notre père et notre mère ne nous quittaient pas des yeux. « Sers-toi de ta fourchette et de ton couteau pour le poulet. Tiens-toi droit, ôte tes coudes de la table. » Ça n'arrêtait pas, sans compter notre insupportable sœur Baptiste. Ce ne furent que gronderies, piques d'amour-propre, punitions, bouderies. Jusqu'au jour où Côme refusa les escargots et décida de séparer son destin du nôtre. Fight of a war, I'll be a saint, to never make a new complaint. Jaime Torrijos était lieutenant dans le régiment de cavalerie d'Agreda, qui tenait alors garnison à Cochabamba. Il était admiré et aimé des officiers et des soldats parce qu'il y avait dans son corps une force et une audace extraordinaires. Il était aimé des femmes pour la même raison. Boys, it's all you make it. You advertise that you were intake. Give me all this charm, only the best for you. And the years of my life, someday was so good. But now and again, if you are one, the coward, the hole in my soul, it's tattered for all these tears. Well, I don't see it that way. Away, away, whatever today. The dancing will say really mean it. But something more, something's gonna change. Away, away, you gotta be safe. But how do they know when you've never seen it? And what will you do when they forget your name? When you're up again as a one. That face, I know when I should live in disgrace. I dig up the dead wood, I knew this place was never the place for me. And all the years that rolled by, your son was so good. But now I know that you were a guy with the holes in your soul. It's had to spoil these years. No, you can't see it that way. Away, away, what happened today? The dancing wolves, they really mean it. And mark my words, something's gonna change. Away, away, you gotta be safe. But how do they know when they never see you? And what will you do when they forget your name? When you're up again on the world. Something's gonna change. Quand je le connus, sa renommée commençait à se répandre hors du régiment et de la ville. Il en jouissait insoucieusement. J'étais guitariste et je m'attachais à Raimé qui me voulait dans ses orgies. Il manquait toujours d'argent à cause des cartes et de l'amour. First melt a fist, and then a metal pops and one more scrub. Soon too many rock reviews. The smell of brown leather, it painted in with a web on the door. I see a stud on my blood to my senses to deceive. It's bigger than I would. Down in a truth I should have been out. When I see a walk down in a truth I should have been out. J'étais joueur de guitare, mais j'avais été aussi séminariste. Quand je ne grattais pas ma guitare, je lisais des livres de théologie. J'observais les hommes et les femmes de toute espèce et je voyais comme il était facile de les mener. Le pouvoir qu'exerçait sur les hommes et les femmes le corps valeureux de Raimé me frappa et m'intéressa tout de suite. Moi qui méprisais tout pouvoir, je me demandais curiosité si ce don pouvait être poussé hors de son aire natale. Certes, la guitare suffisait à me faire de la vie un enchantement, mais j'avais envie d'introduire de périlleuses figures dans l'intime cercle de moi-même. fin de la première partie de ce Lost in Space, on a écouté plein de choses et à l'instant c'était tout simplement Killing Joke avec une magnifique version de War Dance enregistrée à la radio à BBC le 24 octobre 2016 chez Mark Reilly. Et donc la preuve qu'ils sont toujours en pleine forme, c'est bon gars de Killing Joke. Et la dernière partie de Lost in Space, cette troisième heure qui s'annonce, va être encore une fois consacrée à des albums que nous trouvons marquants dans l'histoire du rock'n'roll. Et ici, c'est un album de 2012 de Joey Ramone, le chanteur regretté car décédé bien trop tôt des Ramones, qui a fait un magnifique album qui s'appelle You Know ou Ya Know si on regarde bien, enregistré en 2012. Et dans Lost in Space, vous aurez la chance de l'écouter en entier. C'est parti.